m'ennuie. Moi disque de platine et Z9. J'suis dedans, ça fait même pas un an qu'on balade des R4 pour la place des aînés. J'suis dans le bolide de la plaque et allemande. RS marqué en gros sur le volant. Et 3 litres de ça consomme un peu comme mon foutifi. J'suis toujours de plein d'essence. Et ramène tous tes potos, on les baisse. J'veux niquer la grand-mère du boss. J'suis dans le ratiment, j'vais dans la pièce. Colis passe pas par la poste. J'suis avec comme ça détaille. Il pleut des balles à la fin de l'épisode. On la détaille, la ravitaille. Elle est tellement belle qu'elle a causé des morts. 100 grammes, 1 kill, Pablo. Ça fait beaucoup, j'dors plus beaucoup. Planning bouclé, 4 jours dans la semaine, j'suis bouqué. Trop scotifié, bonne qualité. J'en ai plus que du critical et de la gifresse. Propose une feuille pour les tirer. Hey, oh. Et j'rejoins Geeks dans le bloc, sa mère. Détesté par les cops, déféré pour de la merde. 3 trous, des max, race, tout retrace, gros salaire. En fait, dans le tas, ils connaissent pas, j'ai laissé aucune trace. Allez, niquer mon mère, j'suis dans la ville avec S. Que tu penses que tu peux nous la mettre? Wow. Et deux pieds dans la tête, compte l'oseille que je peux claquer au resto. On vous confirme qu'on vous baisse tous. On lâche des albums ou des best-of. On va répéter qu'on les baisse tous. Le soir défoncé, on en rigole. Pas compliqué, nous on encaisse tout. En gros, tu m'as vidé la caisse, toi. Je rentre dans l'appart, cagoulé comme d'hab. En plus, on est rentré par le toit.